Chapitre 7e, épilogue. La nouvelle du meurtre apportée au théâtre par les affranchis causa un tumulte indescriptible. Les prétoriens se précipitèrent dans le palais, et le peuple en proie à l'agitation la plus vive se répandit sur les places publiques. Les Germains pourchassèrent les conjurés qui s'étaient enfuis. Ils rencontrèrent Norbanus et Aspronas qu'ils mirent en lambeaux. Antéus, qui ne faisait pas partie de la conspiration, mais qui voulait se donner la satisfaction de voir étendu sans vie l'assassin de son père, Antéus subit le même sort. Vénitien dut la vie à la protection de Clémence. Toutefois, ces holocaustes sanglants ne résument pas en eux les sentiments de l'opinion publique, car Caius ne reçut même pas l'honneur des funérailles. Abandonné des siens sur les dalles ensanglantées d'un obscur vestibule, il dut une sépulture furtive à la pitié d'un étranger, Agrippa, roi des Juifs. Dans sa juste indignation, le Sénat renversa les images du tyran et fit fondre jusqu'à la monnaie revêtue de l'emprunt de ses traits et de son exécrable nom. Un mot de Valerius Asiaticus, lancé avec énergie, calma l'émeute de la rue. « Qui a tué Caius ?» hurlait la foule sur le forum. « Plutôt Dieu que ce fut moi !» répliqua Valerius. Peu s'en fallut que le sceptre impérial ne fût placé dans la main de ce personnage. Les soldats lui préférèrent Claude, qui dut payer son élection du sang de quelques victimes pour satisfaire et les mains de son neveu et la justice des hommes. Chéria, Sabinus et Lupus, condamnés au supplice, se frappèrent eux-mêmes. Et un mois plus tard, lors des fêtes instituées en l'honneur des morts, la multitude suppliait l'ombre de Chéria de lui pardonner une grande ingratitude. D'un autre côté, le nouvel empereur fit brûler les registres infâmes appelés l'épée et le poignard, et jeter Protogène à la mer avec sa liste de proscriptions et les caisses à compartiments dont cette affranchie avait la garde. Les substances dont elles étaient remplies tuèrent des milliers de poissons que le flot corrompu apporta sur la rive. Il était temps que Caligula fît place à un successeur moins dédaigneux de la conservation des citoyens. À l'époque de sa mort, une famine était imminente à Rome. Les greniers publics furent trouvés vides, et les immenses trésors amassés par le parcimonieux Tibère avait été dilapidé en quelques mois. La conspiration de Chéria avait un autre mobile que la vengeance, sauver la liberté romaine et reprendre à la ville éternelle le lustre d'une splendeur éteinte, telle était la pensée de l'austère tribun. Mais le coup porté par les conjurés fut un remède impuissant contre le mal qui dévorait cette société moribonde. De même que la rupture d'une branche ne sauve pas de sa ruine un arbre vermoulu, de même, la mort d'un homme ne change pas les destinées d'un monde en décadence. Il était réservé à une révolution douce et bienfaisante de régénérer les âmes par le christianisme et de relever l'édifice social sapé jusque dans ses fondements. Quelques instants après le drame sanglant que nous venons de raconter, un jeune patricien accourait à la hâte sur la voie Flamine et pénétrait dans la maison d'Incitatus. Sa cale entrelaçait d'or la crinière tressée du coursier pour le produire au théâtre, dans une scène préparée par Caligula, et où, dit-on, le prince lui-même s'était réservé un rôle. « Junius, ô mon maître !» s'écria sa cale en voyant ce patricien. « Oui, Junius, qui vient rendre à toi la liberté et à ton fidèle cheval le ciel vivifiant du sol natal. Sache que Caius n'est plus. Gagne aussi avec Incitatus à la faveur du tumulte qui règne dans la cité. » Et présente cette lettre au pilote du navire destiné à mon père Petronius. Il n'attend qu'un ordre pour lever l'ancre et faire voile vers la Syrie. Il le trouvera sous ce pli. Jamais Junius n'avait trouvé sa cale plus disposée à l'obéissance. Il tardait à celui-ci d'échapper à cette servitude dorée, pendant laquelle Caligula n'avait cessé de le rendre responsable sur sa tête de la santé d'Incitatus. Par un farouche surcroît de précaution du tyran, au sort du cheval était lié celui de l'esclave. Les ombres de la nuit et la discorde de l'interrègne secondèrent merveilleusement la fuite de sa cale, et Incitatus fut secrètement embarqué sur le navire destiné par le tyran à porter l'arrêt de mort de Petronius. Rendu au désert et à ses fières cavales, le noble coursier est devenu l'une des souches de cette lignée fameuse qui est encore aujourd'hui dans l'Arabie la richesse du maître et l'honneur de la tribu. Ainsi s'achève Le cheval de Caligula, par Ferdinand de la Combe.